une idée. Ça se présente à la pensée, sans y avoir été convié, se tenant comme en bord de chaise, mal à l'aise, pas encore très bien dans sa peau. Elle vient troubler le repos de celui qui l'a malgré lui enfanté. Une idée. Au début ça n'a pas de voix, mais peu à peu ça prend du poids. Ça mûrit, ça fait des adeptes, on l'accepte. Mais pour peu qu'elle soit sensée, elle s'aliène sans compter des détracteurs qui ont très peur d'une idée. Ça se loue, ça se vend, au plus fou, au plus offrant. Ça s'enferme au coffre-fort comme l'or. Ça s'ampute, se plagie, se chahute, se trahit. Mais de chutes en rechutes, ça survit. Une idée, amoureuse de liberté, s'épanouit dans l'adversité. Ni les bagnes, ni les tortures n'en ont cure. Quand on met sa vie en péril, elle part grandir en exil, et puis un jour s'en revient pour s'installer. La ya la la ya, la ya la la ya, la ya. Une idée, c'est un tableau, une chanson, un style, une révolution, littéraire ou bien scientifique, politique. C'est grand, c'est pur et c'est très fort, avec un droit de vie, de mort, sur ceux qui vont se battre au nom d'une idée.